ça fait du bien sur Chéri FM, Kenny Loggins. La bande originale de Footloose à suivre, Vianney. Et le tout dernier titre de Dua Lipa. Vous aimez découvrir de nouveaux titres? Vous êtes à la bonne adresse, il est 17h30. Le coup de cœur du 17-20. Car tous les jours du lundi au vendredi à cette même heure, Chéri FM est la seule radio à vous faire découvrir un titre nouveau. Et aujourd'hui, direction Seattle aux États-Unis, car c'est le grand retour de Ray Dalton. Il revient 4 ans après l'énorme succès de sa chanson In My Bones, disque de platine en France. Son tout nouveau single s'appelle All We Got. Voici le nouveau titre de Ray Dalton et c'est le coup de cœur de ce jeudi dans le 17-20. On a turbulent ride in a bad red sky. We've been getting so high. Oh my gosh, we've been going for days in a champagne haze. Give me one more taste. Oh my gosh, it ain't the time to be alone. So blow a kiss, don't let it go. Love is all we got, so come on, fill your cup. 'Cause love is all we got, it ain't fading, fading. Love is all we got, don't waste a single drop. Yeah, love is all I got, it ain't fading, fading now. It ain't fading, fading. It ain't fading, fading. We're floating on dreams, we could dive so deep. Keep running with me. Let's get lost, let's get lost. It's a beautiful life in a sea of lights. No space, no time. Oh my gosh, it ain't the time to be alone. So blow a kiss, don't let it go. Love is all we got, so come on, fill your cup. 'Cause love is all we got, it ain't fading. J'ai troqué mes clics et mes claques contre des cloques et des flaques. Mon sac à dos pour oublier qu'avant c'est toi qui me pesais. Ce qui m'emmène, ce qui m'entraîne, c'est ma peine plus que la haine. Oh ma route, oh ma plaine, Dieu que je l'aime. Il tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, je m'en vais. Et ce qui perle sur mon front, goutte de pluie, goutte de froid, donne des ailes, donne donc l'envie de m'éloigner de toi. Et mes larmes, et mes armes sont ma peine plus que la haine. Et mes larmes, Dieu que j'ai mal. Tourne et tourne dans ma tête les images du long métrage où tu es belle et moi la bête. Et la belle n'est jamais sage. Quand tu diras que c'est ma faute, que je n'ai jamais su t'aimer, au diable toi et tes apôtres, oh, je m'en vais. l'envers. Hi, this is Dua Lipa. Vous écoutez Chérie FM. Feel good music. FM, c'est la radio idéale pour bien terminer votre journée de jeudi. Jimmy Cliff et I Can See Clearly Now dans le 17-20, 17h42. J'étais en train de regarder les températures de cet après-midi, mais c'est de la folie. On a encore battu quelques records, en tout cas dans le sud du pays. 27 degrés quasiment dans le Pays Basque. Il a fait 25 degrés tout à l'heure à 16h, hein, à Bagnères-de-Luch en Haute-Garonne, 23 à Biarritz. Un petit 9 degrés du côté de Millau en Aveyron, météo complète. Et l'essentiel de l'actualité de ce jeudi, c'est ce qui nous attend tout à l'heure à 18h avec Candice Riouet et la rédac de Chéri FM. D'ici là, on continue en direct le 17. Avec The Weeknd, Blinding Lights, mais aussi Asia et Madonna avant les infos de 18h. Vous écoutez Chéri FM. Tous les matins sur Chéri FM, le réveil chéri, c'est ça. Delphine de Toulouse, vous gagnez 2000 euros. Olivia de Bretagne, 5000 euros. Ophélie de Béziers, vous gagnez 10 000 euros. Merci. Et si demain c'était vous, alors pour peut-être gagner jusqu'à 10 000 euros, envoyez jackpot par SMS au 7-10-12 sur Chéri FM. 3 fois 75 centimes plus coût d'un SMS. Pour économiser l'énergie, vos voisins ont fait poser un récupérateur d'ondes sismiques à pulsation inversée. C'est bien, mais c'est compliqué. Avant de vous lancer, faites quand même un tour sur edf.fr/solutionhabitat et découvrez les solutions d'isolation des combles ou de pompe à chaleur. C'est plus sûr sur edf.fr/solutionhabitat. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Cuir Center. Vous vous voyez comment dans votre nouveau canapé Cuir Center ? En train de jouer avec vos enfants ou devant votre série préférée ? Nous, chez Cuir Center, on vous voit bien craquer pour le confort et la qualité de notre nouvelle collection. Avec en ce moment jusqu'à 1000 euros d'économie sur une sélection de canapés cuir au tissu. Profitez-en dès maintenant et jusqu'au 25 mars. Détails sur cuircenter.com. À tous les parents qui passent leur temps à chercher le doudou. À tous les « Elle est où la tétine ?» À ceux qui cherchent une place en crèche ou une solution pour samedi soir. Et à ceux qui cherchent sur le net « Bébé ne fait pas ses nuits, que faire ?» Pour les couches, arrêtez de chercher. Intermarché vous offre 50% de remise immédiate sur le pack de 82 couches Baby Dry taille 5 Pampers, soit seulement 15,95 €. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 25 février, différentes tailles disponibles, modalités sur intermarché.com. C'est la nouvelle Opel Corsa électrique. Yes, of course. Avec plus de 400 km d'autonomie. Yes, of course. Elle est cool à conduire. Yes. Dès 99 euros par mois en électrique ou essence. Yes, of course. Découvrez nouvelle Opel Corsa disponible immédiatement dès 99 euros par mois. Yes, of course. Corsa électrique Corsa LLD 24 mois, premier loyer 3000 euros, bonus écologique 7000 euros déduits. Offre à particulier jusqu'au 29 février, c'est acceptation par crédit par. Détails sur opel.fr. Pensez à covoiturer. Grand frais. Oui chérie, je vais pas pouvoir aller chercher ton cadeau pour la Saint-Valentin, je peux pas. J'ai grand frais. Ils ont un faux filet charolais tellement tendre. Sinon, ben, quand tu vas faire des courses, tu te prends un cadeau, mais ferme bien les yeux en choisissant, que ça fasse surprise. Chez Grand Frais, jusqu'à samedi, le faux filet 3 étoiles charolais Origine France est à 19,99 € le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Grand Frais ! Le meilleur marché. Viande bovine 100% charolaise et française à retrouver toute l'année chez votre boucher. Agréé, selon stock disponible, magasin participant sur grandfrais.com. Non mais c'est moi ou ça se passe bien ce speed dating en ligne ? On a la même vision de la vie, franchement, c'est là de l'humour, je signe. Hello Sofiane, alors, pas trop déçu ? Ah bah si, un peu si. Évidemment. Mais non, mais c'est une blague. Et c'est là que Sarah et Sofiane ont basculé dans une vraie histoire d'amour. Humour, blague. Ok, ok, j'adore. Les speed dating en ligne Mythique, c'est tous les dimanches de 18h à 22h. Téléchargez Mythique. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Le patron, elles sont à 2,69 €. Le filet de 2,5 kg de pommes de terre. Ben oui, en ce moment, les pommes de terre à chair ferme rouge en filet de 2,5 kg sont à 2,69 €. Ils sont encore et toujours moins chers que nous. Et avec l'application Lidl Plus, il y a moins 20%, soit 2,15 € le filet de pommes de terre. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, nature raclette, gratin ou salade, calibre 35-55, différentes variétés selon arrivage en supermarché, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Chéri FM à Lyon 98.9 et sur l'application Chéri FM. Chéri FM présente le Salon du Tourisme Mahana à la halle Tony Garnier de Lyon du 8 au 10 mars. Rendez-vous sur le salon et découvrez votre future destination vacances avec les nouvelles offres de séjour, lieux insolites, city break et petite escale détente. Retrouvez toutes les infos sur salon au pluriel-du-tourisme.com. Un événement Chéri FM. Arte del Bagno, l'art et la manière de réaliser votre salle de bain clé en main. Arte del Bagno, du grand art pour tous. Arte del Bagno, le spécialiste du bain et du carrelage, 20 rue des Aqueducs à Craponne et sur artedelbagno.fr. toute la journée, écoutez Chérie FM Lyon pour gagner dans la Chérie Box votre coffret chocolat 100% français pour la Saint-Valentin avec la chocolaterie Vess, 50 rue de Brest à Lyon. Ça se passe à tout moment sur Chérie FM. Rendez-vous sur educavenue.com pour profiter des meilleurs plans de votre ville. Plongez dans le monde marin à l'Aquarium de Lyon et embarquez dans une odyssée féerique à la découverte de l'océan et de ses habitants. Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30. Tentez de gagner votre passe duo comprenant une place adulte et une place enfant sur educavenue.com, le site de promo qui vous offre aussi des cadeaux. Bientôt, 30 minutes de feel good musique sur Chérie FM avec vos 7 magasins Malitry à Limonest, Lyon 3, Lyon 6, Saint-Priest, Givors, Bénaud et Chaponneau. Ouvert du lundi au samedi. Ça vous dit un bon plan pour votre voiture? Les garages AD Expert respectent le carnet d'entretien et utilisent des pièces de qualité d'origine. Retrouvez votre garage AD sur le site ad.fr. Offres, devis et rendez-vous en ligne. Jusqu'au 29 février, en prononçant chez votre garage AD Expert du Rhône et limitrophe le code AD, c'est sûr. Recevez un bon cadeau à utiliser pour votre prochaine intervention. AD. AD, c'est sûr. Bonjour, c'est Alexandre Devoise sur Chérie FM. Salut, c'est Tiffany Bonvoisin. Et votre réveil, on est avec vous sur Chérie FM en direct de Lyon. Dans la bonne humeur, en musique, jusqu'à 10 000 euros cash à gagner. Et vos infos, la météo près de chez vous, bref. 6h, 9h, c'est votre réveil chéri sur Chérie FM. Top départ pour le ski aux Deux Alpes. Découvrez nos bons plans et profitez de nos 220 km de pistes pour un séjour épique en montagne. Les Deux Alpes, votre terrain de jeu cet hiver. Plus d'infos sur lesdeuxalpes.com. Salut, c'est Alexandre Devoise. Salut, c'est Tiffany Bonvoisin. Alexa, mets Chérie FM. Bienvenue sur Chérie FM, Feel Good Music, sur votre enceinte connectée. Et maintenant, c'est à vous de le dire. Alexa, mets Chérie FM. Le World Festival Ambert, c'est du 18 au 20 juillet à Ambert. Trois jours de découverte des cultures du monde dans un lieu unique 100% nature. Avec entre autres Claudio Capeo, Big Flo et Oli, C'est Lasso, Bon Entendeur et Lost Frequencies. C'était mieux avant, remonter le temps, premiers cheveux blancs. Réservation sur festival-ambert.fr. Maintenant, Feel Good Music non-stop. C'est le 17-20 sur Chérie FM. Chérie FM. Feel Good Music. Cette journée de jeudi sur Chéri FM avec Madonna et avec Candice Riway qui est un peu la Madonna de l'information d'une certaine façon. Merci mon cher Didier. À une différence près, c'est que Madonna est réputée pour ses retards légendaires à ses concerts. Ce qui n'est pas mon cas. Ouais, exactement, moi j'ai testé, je peux vous le dire. Enfin Madonna en tout cas. Eh bien figure-toi que deux fans new-yorkais de Madonna l'attaquent puisqu'elle est arrivée avec 2h30 de retard à un concert. C'est long 2h30 quand même. Ouais, surtout ils n'avaient plus de train, plus rien pour rentrer chez eux, donc je les comprends. Mais Madonna a répondu, une reine n'est jamais en retard. Un peu comme nous. Il est pile 18h, on est à l'heure sur Chéri FM. À suivre Kalema et Ariana Grande juste après les infos. L'essentiel de l'actualité de ce jeudi en direct, c'est évidemment avec Candice Rivoy. Candice, on démarre avec la météo et un ciel une nouvelle fois couvert pour demain vendredi. Oui, nuages et pluie pour presque tout le territoire demain matin, sauf sur la pointe bretonne où l'on retrouvera de beaux rayons de soleil dès la matinée. Des éclaircies qui vont s'étendre dans le nord et tout l'ouest du pays dans l'après-midi. Côté température, prévoyez demain matin 8 degrés à Montélimar, 11 à Saint-Malo, Angers et Colmar, 12 degrés à Lille, 13 à Perpignan et 14 degrés à Paris. Et les trois infos à ne pas manquer ce soir, bon courage si vous devez prendre le train. Oui, trafic fortement perturbé dès ce soir sur les rails avec la grève des contrôleurs de la SNCF. Un TGV Inouï et Ouigo sur deux circulera jusqu'à dimanche. Les liaisons à destination et en provenance des Alpes devraient être toutes assurées. Sur les routes, la circulation s'annonce également compliquée avec une journée classée orange demain dans le sens des départs en Île-de-France et dans le Grand Est. Ce sera vert sur le reste du territoire. Et puis prudence, hein, si vous roulez, 240 personnes sont mortes sur les routes de France en janvier 2024, soit une hausse de 6% par rapport au même mois de l'année précédente. En bref, après de longs mois d'incertitude, Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été. Le joueur l'aurait annoncé mardi aux dirigeants du club parisien selon le journal L'Équipe. Et on ne connaît pas le montant du chèque, évidemment. Évidemment. Pour terminer, Candice, Usher se lance dans un tout nouveau projet. Et oui Didier, le chanteur vient d'annoncer le développement d'une série télé inspirée de ses chansons. Alors selon Variety, cette série parlera des relations amoureuses au sein de la communauté afro-américaine à Atlanta. Alors on attend maintenant de connaître le casting et les dates de diffusion. Avec impatience évidemment. Évidemment. Autre titre dont nous attendons la sortie avec impatience. Ah oui, c'est celui de Dua Lipa. Dua Lipa, un extrait que vous allez découvrir avant tout le monde puisque Candice est extraordinaire, elle a réussi à récupérer quelques secondes. J'ai mes secrets. Voilà, tu vois, on va découvrir tout ça avec vous dans l'info Feel Good de 19h30. À tout à l'heure Candice. À tout à l'heure. Et belle fin de journée à vous qui nous retrouvez 18h02. C'est le 17-20, l'émission la plus feel good pour bien terminer de votre journée. Voici tout de suite Ariana Grande. I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't wanna lie to me. Kalema, on est sur Chéri FM. Feel good music. Ya de noche vamos al rocío, tira pra cima o arroz. No vamos dejar que acaben con nuestra fe no amor. Onde que el amor fue poussé, desde el tu m'as piqué. Dans le creux de mes bras, toutes les peines se reparent.

Laissez-vous plutôt guider sur edf.fr/solutionhabitat. Découvrez comment passer à la mobilité électrique avec un plein 3 à 4 fois moins cher que l'essence. C'est plus sûr sur edf.fr/solutionhabitat. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, pour l'achat de 2 kilos d'oranges à déguster, le troisième kilo est offert. Avec une offre pareille, on va pas faire de quartier. Orange matin, midi et soir pour tout le monde. Ah, ça me donne la pêche, moi, toutes ces vitamines. C'est pas l'orange qui donne des vitamines ? Auchan, avec plaisir. 2,99€ les 2 kilos plus 1 offert. Soit 1€ le kilo d'orange à déguster Auchan. Catégorie 1, calibre 5-6, variété Lavelatte, origine Espagne. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. C'est la nouvelle Opel Corsa électrique ? Yes, on se pousse. Avec plus de 400 km d'autonomie ? Yes, on se pousse. Elle est cool à conduire ? Yes. Dès 99€ par mois en électrique ou essence ? Yes. Découvrez nouvelle Opel Corsa disponible immédiatement dès 99€ par mois. Yes, of course. Corsa électrique Corsa LLD 24 mois, premier loyer 3 000€, bonus écologique 7 000€ déduit. Offre à particulier jusqu'au 29 février, c'est acceptation par crédit par. Détails sur opel.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Chez Conforama, on pense à ceux qui cherchent un lave-linge performant au meilleur prix. Avec le lave-linge Samsung 9 kg classe énergétique A à 449,99€. Au lieu de 479,99€. Conforama, jusqu'au 11 mars, voir conditions sur conforama.fr. Eh, hey, pendant McDo Music Tour, McDonald's passe au mode musique. Eh mais ils font plus de burgers. Bah si, mais là ce qui est nouveau c'est que pour un menu acheté, t'as un cadeau musique offert. Tu peux tenter de gagner des places pour le concert McDo de Mika et Vakra, des voyages K-pop à Séoul, des platines vinyles ou des millions d'autres cadeaux. Oh, bah tu sais quoi, on devrait monter en groupe. Ah mais ouais, comme ça on ferait une tournée de nos best-of, tu sais, pour le menu best-of. Ah ouais, non mais je déconne. Jeu avec obligation d'achat du 13 février au 4 mars. Voir conditions sur mcdonalds.fr ou l'app McDo+. Best of signifie meilleur morceau. Pour votre santé, évitez de grignoter. Carrefour. Quand vous me dites, c'est encore le mois Carrefour ? Eh oui ! Et pour fêter ça, il y a 15% d'économie créditée sur votre carte Carrefour sur une sélection de smartphones, tablettes et objets connectés Samsung. Et en plus, pour l'achat d'un produit Samsung, tentez de gagner des places pour Paris 2024 en participant au grand jeu de l'appli Carrefour. Ça s'arrête jamais, quoi ! Et c'est jusqu'au 26 février dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, partenaire premium de Paris 2024. Hors gamme S24 série, détails sur carrefour.fr. Depuis 55 ans chez Castorama, mes collègues et moi, on fait tout pour prendre soin de chez vous. Mais aujourd'hui, se lancer dans des travaux de rénovation, c'est pas donné à tout le monde. Alors pour permettre à chacun de réaliser ses travaux, Castorama vous propose 700 produits premier prix, fiables et économiques pour bricoler plus et dépenser moins. Oui, 700 produits premier prix pour toute la maison. Décoration, aménagement, jardin, entretien. Alors rendez-vous en magasin ou sur castorama.fr et commencez vos travaux l'esprit léger. Castorama, changer nous fait avancer. Cuir Center. Vous voyez comment dans votre nouveau canapé Cuir Center ? En train de jouer avec vos enfants ou devant votre série préférée ? Non, chez Cuir Center, on vous voit bien craquer pour le confort et la qualité de notre nouvelle collection. Avec en ce moment jusqu'à 1 000€ d'économies sur une sélection de canapés cuir au tissu. Profitez-en dès maintenant et jusqu'au 25 mars. Détails sur cuircenter.com. Peugeot. Vous êtes au volant de votre utilitaire et vous réalisez que votre planning est aussi chargé que votre véhicule. Vous vous dites que c'est le bon moment pour vous offrir les services d'un nouvel équipier, un utilitaire plus adapté au rythme de vos journées. Mais que le bon moment, c'est maintenant, pas dans 6 mois. Chez Peugeot, pas besoin d'attendre pour compter sur un pro. Jusqu'au 29 février, profitez de remises supplémentaires jusqu'à 2 000€ sur des utilitaires disponibles immédiatement. Rendez-vous en point de vente et sur professionnel.peugeot.fr. Dans la limite des stocks disponibles. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, ils sont à 2,99€. La barquette d'un kilo de kiwi ? Moins de 3€ ? Très oui. En ce moment chez Lidl, la barquette d'un kilo de kiwi est à 2,99€. Non mais ils se prennent pour qui ? Oui ? On est mal, hein, je sais. Ça peut plus durer. Bon, je vous en ramène une barquette. Bah bien sûr, mais pas un mot au bureau, hein. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 2, variété Eward, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Bonjour, moi c'est Andrea. Je réalise les canapés Poltrone Sofa. Et moi, je vous conseille en magasin. Je suis Salima. Chez Poltrone Sofa, c'est le grand déstockage. Dernière pièce à partir de 99€ seulement. Et tout doit disparaître. Un déstockage aussi grand, pas question de le rater quand on cherche un nouveau canapé. Poltrone Sofa, solo divan et de qualité. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Avoir un travail, c'est bien. Mais pouvoir choisir son travail, c'est mieux. Chez Actual, c'est parce que nous pensons qu'on a le droit de choisir son travail que nous vous accompagnons pour vous proposer des postes qui vous correspondent. Pour passer le pas, il y a forcément une agence Actual près de chez vous. Actual, construisons ensemble votre travail. La transition énergétique, ça compte, mais aussi pour le porte-monnaie. Surtout en ce moment où pouvoir acheter une voiture électrique peut être une prise de tête. Des aides comme le bonus écologique de 7000 euros, ça vous concerne. Mais cela rend-il pour vous la voiture électrique accessible? Alors impossible? Pas avec Fiat. Découvrez nouvelle 500 électrique dès 99 euros par mois seulement. Fiat 500, dans le cœur de Tunche. Et plus que jamais, une électrique pour tous. LLD 37 mois, pour de 3500 euros, bonus éco de 4000 euros et remise éco Fiat de 3000 euros, c'est acceptation par crédit par jusqu'au 29 février. Détails sur fiat.fr. Fiat. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. IKEA. Tu vas où, mon cœur? Chez IKEA. Trouver une table basse? Non, un cheval. Un cheval? Jusqu'au 10 mars, dans votre magasin IKEA, partez à la recherche du Dala, le cheval suédois emblématique, et tentez d'être le grand gagnant d'un bon d'achat de 5000 euros. Chaque jour, 200 bons d'achat sont mis en jeu. Voir règlement du jeu sur IKEA.fr. Météo. Et demain vendredi, une perturbation va balayer la France. Résultat, nous aurons un ciel couvert et des averses en matinée sur la quasi-totalité des régions. Mais de belles éclaircies attendues l'après-midi de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France et sur la façade atlantique ainsi que l'extrême sud-est. Il fera demain de 10 à 15 degrés sur la moitié nord et de 13 à 18 degrés sur la moitié sud. Belle fin de journée avec le collector spécial Kylie Minogue qui arrive juste après Amir. Et tout de suite, voici Maria Carré sur Chérie FM. Sur Chérie FM. Mm-hmm.

could say it's something I really mean. That I want you happy where the north is with me. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. Un très bon début de soirée avec Chérie FM, Feel Good Music et Lewis Capaldi. À suivre Kyo et un classique de Bill Medley, Jennifer Warnes. Il est pile 18h30 et comme tous les soirs, on remonte le temps. Le collecteur du 17-20. Semaine spéciale, Kylie Minogue. Et la suite ce soir de cette semaine spéciale, Kylie Minogue dans le collector du 17-20. Kylie Minogue qui vient tout juste de sortir un duo avec Sia que vous avez découvert sur Chérie FM. Et ce soir, nous sommes en juin 2002. Kylie Minogue sort le troisième extrait de son album Fever, un titre qui s'est classé dans le top 10 en Europe. Voici Love at First Sight, c'est-à-dire coup de foudre. En français, c'est beaucoup plus simple. Et c'est le très bon collector de ce jeudi dans le 17-20. Regardez-vous, vous écoutez Chérie FM. Salut, c'est Kylie Minogue sur Chérie FM. Feel good music.

of my life. No, I never felt this way before. Yes, I swear, it's the truth, and I hope. Un classique, Chérie FM, Big Mad Day, Jennifer Warnes, bon, original du film Dirty Dancing, The Time of My Life, 18h42 depuis quelques jours. Dua Lipa est de retour au cinéma avec le film, c'est un très bon thriller d'ailleurs, le film Argyle ou Argyle, si vous voulez le prononcer en anglais. Et elle revient aussi avec un nouveau single que vous allez découvrir dès demain matin, 6h, sur Chérie FM et tout au long de la journée. Et vous savez quoi? Tout à l'heure avec Candice Rewe, on vous dévoilera quelques secondes de ce single qui sortira donc demain, vendredi, l'info feel good de 19h30. À ne pas manquer d'ici là, la suite du 17-20 avec Aventura. C'est ton obsession. Aventura qui arrive sur Chérie FM, il y aura également Sia et Alliance Ethnique. La suite de ce jeudi avant 19h. Écoutez, are you ready? Il est de retour. Chérie FM vous offre votre Chérie Pass. Slimane, Black Eyed Peas, Louane, Coldplay. Assistez aux 4 concerts les plus feel-good du moment. Dès votre réveil et toute la journée, écoutez Chérie FM. Dès que vous entendez deux titres des Black Eyed Peas à la suite, appelez Chérie FM au 3937. Le Chérie Pass, c'est rien pour vous. Et c'est sur Chérie FM, Feel Good Music. 50 centimes d'euros TTC la minute plus prix de l'appel. C'est la nouvelle Opel Corsa électrique. Yes, of course. Avec plus de 400 km d'autonomie. Yes, of course. Elle est cool à conduire. Yes. Dès 99 euros par mois en électrique ou essence. Yes, of course. Découvrez nouvelle Opel Corsa disponible immédiatement dès 99 euros par mois. Yes, of course. Corsa électrique Corsa LLD 24 mois premier loyer 3000 euros bonus écologique 7000 euros déduit. Offre à particulier jusqu'au 29 février. Si acceptation par crédit par. Détails sur opel.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Eh, pendant McDo Music Tour, McDonald's passe au mode musique. Mais ils font plus de burgers. Bah si, mais là ce qui est nouveau, c'est que pour un menu acheté, t'as un cadeau musique offert. Tu peux tenter de gagner des places pour le concert McDo de Mika et Vakra, des voyages K-pop à Séoul, des platines vinyles ou des millions d'autres cadeaux. Oh, bah tu sais quoi, on devrait monter en groupe. Ah mais ouais, comme ça on ferait une tournée de nos best-of. T'sais, pour le menu best-of. Ah ouais, non mais je déconne. Jeu avec obligation d'achat du 13 février au 4 mars. Voir conditions sur mcdonalds.fr ou l'app McDo+. Best of signifie meilleur morceau. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Chez Conforama, on pense à ceux qui cherchent un lave-linge performant au meilleur prix. Avec le lave-linge Samsung 9 kg classe énergétique A à 449,99€ au lieu de 479,99€. Conforama, jusqu'au 11 mars, voir conditions sur conforama.fr. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron, ça va? Non, là j'en ai ma dose. Oh, c'est pas fini, hein. En ce moment, les 36 capsules de lessive Skip touche de cajoline sont à moins 50%, soit 6,89€. 6,89€ les 36 doses, moins de 20 centimes le lavage. Ah, oh, c'est du propre. Et du doux et du parfumé grâce à la formule tout-en-un Skip avec une touche de cajoline. Mais une telle offre, nous... Nous ne savons pas faire, oui. On est salement mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur Lidl.fr. Chien et chat, la comédie familiale des vacances. Diva est le plus stylé des chats. Mais je te connais, tu m'as fait aucun compliment. Chichi est un chien mignon, mais maladroit. Je veux juste qu'on fasse connaissance, il y a quoi? Avec Franck Dubosc, Rim Kérissi, Philippe Lachaud et les voix d'Inès Reg et Artus. C'est trop haut. Les vrais chats, ça retombe toujours sur ses pattes. Pas un vrai chat. Ne ratez pas Chien et chat, actuellement au cinéma. Avec Chérie FM. Bonjour, moi c'est Andrea. J'ai réalisé les canapés Poltrone Sofa. Et moi, je vous conseille un magasin. Je suis Salima. Chez Poltrone Sofa, c'est le grand déstockage. Dernière pièce à partir de 99 euros seulement. Et tout doit disparaître. Un déstockage aussi grand, pas question de le rater quand on cherche un nouveau canapé. Poltrone Sofa, solo divan et de qualité. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions au magasin. Carrefour. Quand vous me dites, c'est encore le mois Carrefour? Eh oui! Et pour fêter ça, il y a 15% d'économie créditée sur votre carte Carrefour sur une sélection de smartphones, tablettes et objets connectés Samsung. Et en plus, pour l'achat d'un produit Samsung, tentez de gagner des places pour Paris 2024 en participant au grand jeu de l'appli Carrefour. Ça s'arrête jamais, quoi! Et c'est jusqu'au 26 février dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, partenaire premium de Paris 2024. Hors gamme S24 série, détails sur carrefour.fr. Chérie FM à Lyon 98.9 et sur l'application Chérie FM. Le World Festival Amber, c'est du 18 au 20 juillet à Amber. Comment c'est chez toi, mon...

living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. C'est Vita sur Chéri FM, Feel Good Music. Là, sur un bout de papier, quelques mots effacés de toi. Moi, je serai plus jamais la même. Je vais essayer quand même. Et toi? Avec Vita à 19h12 dans le 17-20, à l'heure de l'apéro, je vous souhaite la bienvenue à bord. Cette semaine, on fête avec vous la sortie de la comédie 2 et avec Rim Kérissi, Franck Dubosc et Philippe Lachaud, Chien et Chat. C'est à l'affiche depuis hier au ciné. Demain, dans le Réveil Chéri, Alex et Tiffany vous offriront un voyage à New York, tout compris. Et puis, il y a encore des places de ciné à gagner pour aller voir Chien et Chat. Vous connectez sur chérifm.fr, direction la rubrique Jeu pour gagner vos invitations. Vous pouvez vous inscrire et jouer jusqu'à dimanche soir. À 19h30, l'info feel good du jour, c'est avec Candice Riouet, ce sera juste après. Lady Gaga. Alejandro Gilo, le nouveau single arrive également sur Chéri FM et Michael Jackson à suivre juste après la météo. Tous les matins sur Chéri FM, réveillez-vous dans la bonne humeur. Votre plat arrive et il est immonde. Qu'est-ce que vous faites ? J'ose pas le dire là où ça a été, c'était sympa. Bah, j'ai dit oh ouais, sympa. Moi j'ai toujours la même phrase, c'est toujours la même. C'est oh non, c'était très bon. Alors par contre, j'ai pas tout fini parce que j'ai un appétit de moineau. Et c'est toujours la même phrase. Ça. Dites-elle avec un cassoulet en face. Retrouvez Alexandre Devoise et Tiffany Bonvoisin tous les matins, 6h-9h, dans le Réveil Chéri sur Chéri FM. Carrefour. Quand vous me dites, c'est encore le mois Carrefour ? Eh oui ! Et pour fêter ça, il y a 15% d'économies créditées sur votre carte Carrefour sur une sélection de smartphones, tablettes et objets connectés Samsung. Et en plus, pour l'achat d'un produit Samsung, tentez de gagner des places pour Paris 2024 en participant au grand jeu de l'appli Carrefour. Ça s'arrête jamais, quoi ! Et c'est jusqu'au 26 février dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, partenaire premium de Paris 2024. Hors gamme S24 série, détails sur carrefour.fr. C'est la nouvelle Opel Corsa électrique ? Yes, of course. Avec plus de 400 km d'autonomie ? Yes, of course. Elle est cool à conduire ? Yes. Dès 99 euros par mois en électrique ou essence ? Yes, of course. Découvrez nouvelle Opel Corsa disponible immédiatement dès 99 euros par mois. Yes, of course. Corsa électrique, Corsa LLD 24 mois, premier loyer 3000 euros, bonus écologique 7000 euros déduit. Offre à particulier jusqu'au 29 février, c'est acceptation par crédit par. Détails sur opel.fr. Pensez à covoiturer. Chez Conforama, on pense aux amoureux du design accessible. Avec la marque Lomoco, exclusivité Conforama. Découvrez le canapé Melody à 699,99 €. Soit 30% de remise. Conforama, jusqu'au 11 mars, voir conditions sur conforama.fr. Hé hey Barbie, je peux venir chez toi ce soir ? Bien sûr ! J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbies, une chorégraphie et une chanson qui va avec. Et vous ? Qu'avez-vous prévu le 16 février ? T'as qu'à passer ! Trop cool ! Bonne nouvelle ! Le 16 février, Barbie débarque sur Canal+. Chut ! Chien et chat, la comédie familiale des vacances. Diva est le plus stylé des chats. Mais je te connais, tu m'as fait aucun compliment. Chichi est un chien mignon, mais maladroit. Je veux juste qu'on fasse connaissance, il y a quoi ? Avec Franck Dubosc, Rim Kérissi, Philippe Lachaud et les voix d'Inès Reg et Artus. C'est trop haut ! Les vrais chats, ça tombe toujours sous ses pattes ! Pas un vrai chat ! Ne ratez pas Chien et chat, actuellement au cinéma. Avec Chéri FM. Il a un style très baroudeur, tu vois. Wow. Il m'emmène partout. Et ce que j'adore le plus... Oh, raconte. C'est son coffre de 520 litres. Hein ? Citroën C3 Aircross, le style est enfin accessible. Mais n'en faites pas trop quand même. À partir de 139 euros par mois, 4 ans de garantie et assistance offerte. Citroën. LLD 48 mois 40 000 km, premier loyer de 3500 euros, offre à particulier jusqu'au 29 février sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr selon réseau participant. Pensez à covoiturer. Bonjour, moi c'est Andrea. Je réalise les canapés Poltrone Sofa. Et moi, je vous conseille en magasin. Je suis Salima. Chez Poltrone Sofa, c'est le grand déstockage. Dernière pièce à partir de 99 euros seulement. Et tout doit disparaître. Un déstockage aussi grand, pas question de le rater quand on cherche un nouveau canapé. Poltrone Sofa, solo divan et de qualité. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. À tout moment, réécoutez, podcastez vos moments préférés du Réveil Chéri sur chérifm.fr. Leclerc, bonjour. Bonjour, j'aimerais profiter de votre promotion sur la lessive extra pour résoudre un mystère qui nous intrigue tous. Ah oui, mais lequel ? Eh ben, les chaussettes qui disparaissent dans la machine à laver. Où vont-elles ? Alors ça, aucune idée. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 60% de tickets Leclerc sur le lot de 3 bidons de lessive liquide extra du 13 au 24 février chez Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi, modalités magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Dans un instant, Feel Good Music non-stop sur Chéri FM. Radio on air, shopping online. 65% des personnes interrogées déclarent écouter la radio pendant qu'elles consultent des sites marchands. Aujourd'hui, Énergie, Nostalgie et Chéri FM sont les trois radios les plus écoutées pendant le shopping en ligne. Et 46% des auditeurs de Énergie ont même déjà acheté en ligne à la suite d'une publicité en radio. Annonceurs, agences de communication, pour guider vos clients dans leur shopping en ligne, prenez la parole sur les radios qu'ils écoutent. Énergie, Nostalgie et Chéri FM. Source étude CSA pour Énergie Group, réalisée en ligne du 8 au 13 décembre 2023. Plus d'infos sur energieglobal.com. Radio en air, radio en direct, shopping online, shopping en ligne. Chéri FM. FM, météo. Et demain vendredi, une perturbation va balayer la France. Résultat, nous aurons un ciel couvert et des averses en matinée sur la quasi-totalité des régions. Mais de belles éclaircies attendues l'après-midi de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France, ainsi que sur la façade atlantique et l'extrême sud-est. Il fera demain de 10 à 15 degrés sur la moitié nord et de 13 à 18 degrés sur la moitié sud. À 19h30, c'est Candice Riveau qui arrive pour l'info Feel Good. Et la suite du 17-20, c'est avec Gillo et Lady Gaga maintenant sur Chéri FM. Le 17-20 sur Chéri FM. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro. She won't look at you, won't look at you. She hides true love, it's too vacío. She's got a halo around a finger around you. You know that I love you, boy. Hot like Mexico, rejoice. At this point, I've gotta choose, nothing to lose. Chérie FM. Feel good music. Nothing else matters. Is this real life? Take me all night. I can feel a passion in your Good Music, uniquement pour vous sur Chéri FM avec Michael Jackson et Bad à suivre, Taylor Swift et Sholama. Vous allez forcément monter le son, tout ça c'est pour vous juste après l'info Feel Good, car il est pile 19h30. Chéri FM, l'info Feel Good de 19h30. Et pour l'info Feel Good de ce jeudi soir, nous retrouvons Candice Riouet. Salut Candice. Bonsoir Didier, bonsoir à tous. L'info Feel Good de ce soir avec un retour musical très attendu, c'est le moins qu'on puisse dire pour demain. Et oui, celui de Dua Lipa. La chanteuse continue de teaser son futur album avec la sortie ce vendredi à minuit d'un nouveau single. Son nom, Training Season. On a d'ailleurs un petit extrait pour vous. Saison, extrait du nouveau single de Dua Lipa. Alors on ne peut pas vous en diffuser plus, hein, Candice, puisque ça sort à minuit. Vous le découvrirez demain dès 6h sur Chéri FM. Et oui, et ce sera d'ailleurs le second single de son prochain album, chanson qu'elle a présenté en avant-première aux Grammy Awards début février lors d'un live, où elle a également interprété le titre Houdini qu'on entend souvent sur Chéri FM. D'ailleurs le clip de la chanson Houdini cumule à présent plus de 79 millions de vues sur YouTube. C'est pas rien. Absolument, et j'en profite pour vous dire que si vous êtes fan de bons thrillers, Dua Lipa est à la fiche du film Urgyle ou Argyle, hein, c'est comme vous voulez. Voilà, avec l'accent au sang. C'est ça, sorti il y a 2 semaines au ciné. Merci beaucoup Candice. Merci à toi Didier, à demain. À demain, et la suite du 17-20, c'est avec Taylor Swift. Il y aura également Sholama. Et tout de suite, voici le parapluie de Jack sur Chéri FM. Salut, c'est Jack sur Chéri FM, Feel Good Music. Matin d'hiver sur le palier, tu rentres chez toi, le regard froid, les cheveux mouillés, tu ne t'expliqueras pas. J'ai embrassé tous tes défauts, j'ai fini par les trouver beaux. Le cri de ton cœur lui sonnait faux, comme les toutes premières compos. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps, dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir. Son parapluie, oh, oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie, oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Jardin d'hiver, la fleur est fanée, je ne saurais pas comment te plaire ni comment t'aimer, je ne te reconnais pas. Pourquoi tous ces mystères, mais dis-moi à quoi tu joues. Je vis sous le même toit qu'une étrangère qui s'éloigne jour après jour. Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps, dis-moi que c'est toi et moi. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle peint tes heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort toutes les nuits sans son parapluie. Oh, oh, oh, oh. Elle sort sans son parapluie. Madame se fout de dos, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Madame se fout de dos, de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Elle me dit qu'elle est fidèle, mais elle sort sous la pluie. Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui. Elle passe des heures à se faire belle, mais pressée de s'enfuir. Madame sort tout. People say, but I keep crying. the dirty, dirty cheats of the world. You could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, I'm just gonna shake into the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah. Et ça tombe bien, chérie FM est là avec vous 24h sur 24, Cholama, et tous les soirs cette compagnie, cette voix réconfortante, c'est celle de Caroline Alexis. Tu as vu cet accueil? Bonsoir ma Caro. C'est vrai, quel accueil. Bonsoir Didier, bonsoir tout le monde. Tu reconnais ce générique? Tournez ma neige. Ah non, non, non. paraît plus. Émilie in Paris, absolument, dont le tournage a repris, tournage de la saison 4, excusez-moi, à Paris, a repris notamment dans le 5e arrondissement. Si vous ne connaissez pas Paris, c'est l'arrondissement où il y a le Panthéon. Et bien, figure-toi que le tournage agace des tas de Parisiens. Oh, ça m'étonne, non, les Parisiens sont pourtant très sympathiques, ouverts. Ils ne râlent jamais. Non, jamais. Eh bien, ça va un peu loin, puisqu'on a retrouvé des tags pas très sympas sur les lieux du tournage, du style « Emily not welcome ». On n'a pas besoin de traduire, oh, c'est pas gentil. C'est vrai que la série... avoir une mauvaise image de Paris, c'est voilà, bien. C'est ça. C'est vrai que Emily in Paris, c'est un peu cliché carte postale, mais en attendant, l'Office du tourisme de Paris a mis en place un circuit Emily in Paris. Yes. Et moi, je vous ferai visiter le... Paris de Caroline Alexis, vous allez voir, c'est très romantique. Ah ben on va passer rue Boileau, hein. On commence là. Après on tourne, on revient rue Boileau, on va vers le parc Citroën, on retourne vers bon, la rue. Bon, je te laisse les clés, tu fermes ce soir. Caroline Alexis tout à l'heure à partir de 20h, on avait bien compris. T'es un peu en boucle, Caro, mais on l'adore quand même. Sophie Elise Bextors, la suite du 17-20 en direct avec Ed Sheeran et le groupe Police avant 20h. Salut, c'est Rim Kérissi sur Chéri FM. À l'occasion de la sortie de son film Chien et Chat avec Chéri FM, dimanche à 18h, Rim Kérissi passe une heure avec vous. Je partagerai ma playlist du moment, mes titres Chéri FM préférés. Alors rendez-vous pour l'heure confidence dimanche à 18h avec Rim Kérissi, Chéri FM. Feel good music. Bonjour, moi c'est Andrea. Je réalise les canapés Poltrone Sofa. Et moi, je vous conseille un magasin. Je suis Salima. Chez Poltrone Sofa, c'est le grand déstockage. Dernière pièce à partir de 99€ seulement. Et tout doit disparaître. Un déstockage aussi grand, pas question de le rater quand on cherche un nouveau canapé. Poltrone Sofa, solo divan et de qualité. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions au magasin. Toute cette semaine, écoutez Le Réveil Chéri avec Alexandre Devoise et Tiffany Bonvoisin sur Chéri FM et partez en vacances à l'autre bout du monde. Pour fêter la sortie du film de Rim Kérissi, Chien et Chat, actuellement au cinéma avec Chéri FM, nous vous emmenons à New York. Vous partirez sur les traces du film, deux vols en business, la compagnie aérienne française exclusivement classe, trois nuits au luxueux hôtel Sofitel de New York. Vous allez vivre un séjour de rêve. Pour le gagner, une seule règle, écoutez Le Réveil Chéri. Alors rendez-vous demain, 6h-9h, sur Chéri FM. Leclerc, bonjour. Bonjour, ça vous dit de jouer à Ni Oui Ni Non? Pourquoi pas? Ok, alors quel délicieux fruit vert et plein de vitamine C est à petit prix chez Leclerc? Je sais, ça commence par qui? Oui. Oh, ah mince, j'ai perdu. Pas totalement, car du 13 au 17 février chez Leclerc, le lot de 5 kiwis verts origine France est à 1,49€. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 30 centimes la pièce du lot indivisible, variété Eward, catégorie 1, calibre 85-95 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Radio On Air, shopping online. 65% des personnes interrogées déclarent écouter la radio pendant qu'elles consultent des sites marchands. Aujourd'hui, Énergie, Nostalgie et Chéri FM sont les trois radios les plus écoutées pendant le shopping en ligne. Et 46% des auditeurs de Énergie ont même déjà acheté en ligne à la suite d'une publicité en radio. Annonceurs, agences de communication, pour guider vos clients dans leur shopping en ligne, prenez la parole sur les radios qu'ils écoutent. Énergie, Nostalgie et Chéri FM. Source étude CSA pour Énergie Group, réalisée en ligne du 8 au 13 décembre 2023. Plus d'infos sur energieglobal.com. Radio en air, radio en direct, shopping online, shopping en ligne. Eh, pendant McDo Music Tour, McDonald's passe au mode musique. Eh mais ils font plus de burgers. Bah si, mais là ce qui est nouveau c'est que pour un menu acheté, t'as un cadeau musique offert. Tu peux tenter de gagner des places pour le concert McDo de Mika et Vakra, des voyages K-pop à Séoul, des platines vinyles ou des millions d'autres cadeaux. Oh, bah tu sais quoi, on devrait monter en groupe. Ah mais ouais, comme ça on ferait une tournée de nos best-of, tu sais, pour le menu best-of. Ah ouais. Non mais je déconne. Jeu avec obligation d'achat du 13 février au 4 mars. Voir conditions sur mcdonalds.fr ou l'app McDo+. Best-of signifie meilleur morceau. Pour votre santé, bougez plus. Chez Conforama, on pense à ceux qui veulent donner une touche tendance à leur intérieur. Avec jusqu'à moins 40% sur les meubles et la déco. Alors vite, rendez-vous en magasin et sur le site. Conforama. Jusqu'au 11 mars, voir conditions sur conforama.fr. Chéri FM à Lyon 98.9 et sur l'application Chéri FM. Certains pensaient qu'ils étaient seuls, abandonnés là sur le sol. On veut changer tout ça, mais oh là là, oh là là. Certains voudraient qu'on se déchire pour des billets, pour un empire. On veut changer.

envie de pardonner, je veux plus te regarder. Et si je peux pas t'effacer, au moins je veux avancer. J'oublierai bien plus tard que t'avais pas envie, que t'avais pas le temps, que toi tu t'en foutais. Des petites éraflures, des grandes égratignures, ce qui reste à l'intérieur, ce que j'ai dans le cœur, je sais pas pourquoi. Que les étoiles contemplent mes larmes et qu'elles décident le bien du mal. Que les étoiles contemplent mes larmes, que le temps va si contemple mes larmes et qu'elles décident le bien du mal. Que les étoiles contemplent mes larmes, que le temps va s'y emporter le mal. Et comme le invite au concert de Louane avec le Chéri Pass plus les concerts de Coldplay, Slimane et des Black Eyed Peas. Le Chéri Pass et les Chéri Pass même sont à gagner tous les jours sur Chéri FM. Restez attentifs et bonne chance. Chéri Frenchy tout de suite, Leslie et Jean-Jacques Goldman sur Chéri FM. Et même si le temps presse, j'irai au bout de mes rêves.

Alice et Josiane sur Chéri FM, Feel Good Music. Entre l'ombre et la lumière, je me sens perdu, y'a rien de clair. C'est un travail à deux. And you still leave me behind. And I don't feel like trying anymore. But I don't feel like losing this war. Moi je ne veux pas te perdre. Mais je sens que je vais me perdre. And if I lose. Je t'ai tout donné et tu t'en fous, c'est clair. But do you think that I'm blind? I've had enough, moi j'en peux plus. Toi tu joues des jeux et moi j'ai perdu. But I dare you roll the dice. Je n'ai plus rien à donner comme tu vois. Je dois me mettre en premier, c'est comme ça. If I lose someone, it can't be myself. J'ai fini de m'oublier, tu ne vas plus m'effacer. Si je m'écoute, alors il faut que ce soit moi. Je veux pas perdre en voix mon cœur en premier cette fois. Et fais-moi. Entre l'ombre et la lumière, je me sens perdu, y a rien de clair. Just give me a sign.

FM change. Bouge. Avec vous.